Mes amis, écoutez, qu'est-ce que c'est la musique? Il y a... J'ai un vrai... Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby. Baby.